Module 2, étude 1. Phénomènes médiumniques qui ont précédé la codification. Hydeville et les tables tournantes. Au milieu du 19e siècle sont apparus en Amérique des phénomènes qui, par leur caractère ostensible et intentionnel, ont causé un fort impact dans l'opinion publique en général, résonnant dans le monde intellectuel de l'époque. Les phénomènes de Hydeville qui, aux côtés des tables tournantes, ont contribué puissamment à l'apparition du spiritisme. En 1847, la maison d'un dénommé John Fox et de son épouse Margaret, demeurant à Hydeville, petit village de l'État de New York, fut troublée par des manifestations étranges. Des bruits inexplicables se faisaient entendre avec une telle intensité que rapidement le repos de la famille en fut troublé. Malgré les plus minutieuses recherches, on ne put trouver l'auteur de ce tapage insolite. Mais bientôt, on remarqua que la cause productrice semblait être intelligente. Les filles de la famille Fox, Margaret et Kate, ainsi que la plus âgée, Lia, mariée, était médium. Kate, de 11 ans, le 31 mars 1848, alors que les coups, appelés raps en anglais, devenaient plus persistants et forts, a décidé de défier le mystère en engageant un dialogue avec ce que tous pensaient être le diable. « Monsieur Splitfoot, fais comme moi, en tapant dans ses mains. » Le bruit l'a suivi immédiatement par le nombre de coups. Puis, Margaret dit par jeu. « Maintenant, fais exactement comme moi. Compte 1, compte 2, compte 3, compte 4. » Les coups correspondants survinrent comme avant. « Est-ce un esprit ? » demanda-t-elle. « Si oui, donne deux coups. »« Il s'agit d'un esprit assassiné, donnez deux coups. »« Avez-vous été assassiné dans cette maison ?» Deux coups firent trembler la maison. Des voisins appelés furent témoins de ces phénomènes. Tous les moyens de surveillance furent pratiqués pour découvrir l'invisible frappeur. Mais l'enquête de la famille et celle de tout le voisinage fut inutile. On ne put découvrir de cause naturelle à ces singulières manifestations. Les expériences se suivirent, nombreuses et précises. Les curieux, attirés par ces phénomènes nouveaux, ne se contentèrent plus de demandes et de réponses. L'un d'eux, nommé Isaac Post, eut l'idée de réciter à haute voix les lettres de l'alphabet en priant l'esprit de vouloir bien frapper un coup sur celle qui composait les mots qu'il voulait faire comprendre. De ce jour, la télégraphie spirituelle était trouvée. Ce procédé était celui que nous verrons appliqué aux tables tournantes. C'est par ce moyen, l'utilisation de l'alphabet par la télégraphie spirituelle, que les esprits ont envoyé des messages révélateurs, des dessins supérieurs, comme le suivant. Chers amis, vous devez proclamer ces vérités devant le monde. C'est l'aurore d'une nouvelle ère. Vous ne devez pas les cacher plus longtemps. Lorsque vous aurez accompli votre devoir, Dieu vous protégera et les bons esprits veilleront sur vous. Les Fox, victimes de l'intolérance et du fanatisme des conservateurs de la foi, résolurent alors de proposer de montrer publiquement les phénomènes à la population réunie dans le Corinthian Hall, la plus grande salle de la ville de Rochester. Ces présentations, après avoir subi l'examen rigoureux de trois commissions, ont été reconnues authentiques. Et comme on devait s'y attendre, il y eut un grand tumulte où les sœurs Fox ont failli être lynchées. La persécution a toujours pour résultat de faire des adeptes aux idées qu'elle combat. C'est pourquoi, peu d'années après, en 1850, on comptait déjà plusieurs milliers de spirites aux États-Unis. Il faut dire ici que le phénomène avait pris un autre aspect. Les coups, au lieu de se produire dans les murs et sur les planchers, se faisaient entendre maintenant dans des tables autour desquelles étaient réunis les expérimentateurs. Cette manière de procéder avait été indiquée par les esprits eux-mêmes. Le premier fait observé a été celui d'objets divers mis en mouvement. On l'a désigné vulgairement sous le nom de table tournante ou dansante des tables. Ce phénomène, qui paraît avoir été observé d'abord en Amérique, ou plutôt qui s'est renouvelé dans cette contrée, car l'histoire prouve qu'il remonte à la plus haute antiquité, s'est produit accompagné de circonstances étranges telles que bruits insolites, coups frappés, sans cause ostensible connue. De là, il s'est rapidement propagé en Europe et dans les autres parties du monde. Les premières manifestations intelligentes eurent lieu au moyen de tables, se levant et frappant avec un pied, un nombre déterminé de coups et répandant ainsi par oui ou par non, suivant la convention, à une question posée. Jusque-là, rien de convaincant assurément pour les sceptiques, car on pouvait croire à un effet du hasard. On obtint ensuite des réponses plus développées par les lettres de l'alphabet. L'objet mobile, frappant un nombre de coups correspondant au numéro d'ordre de chaque lettre, on arrivait ainsi à formuler des mots et des phrases répondant à des questions posées. La justesse des réponses, leur corrélation avec la question, excitèrent l'étonnement. L'être mystérieux, qui répondait ainsi, interrogé sur sa nature, déclara qu'il était esprit ou génie, se donna un nom et fournit divers renseignements sur son compte. Ceci est une circonstance très importante à noter. Personne n'a donc imaginé les esprits comme un moyen d'expliquer le phénomène. C'est le phénomène lui-même qui révèle le mot. À propos de ces manifestations nouvelles en Amérique, soulignons que de nombreux intellectuels, comme le juge John Emmons, le professeur James Mapes, le célèbre professeur Robert Orr, le savant Robert Dale Owen, entre autres, se sont intéressés à ces idées nouvelles pour éclairer les personnes sur l'illusion qui les berçait. Mais au lieu de cela, ces savants avaient réfuté honnêtement leurs propos en déclarant la véracité des faits, augmentant ainsi davantage l'intérêt pour les manifestations médiumniques porteuses de messages provenant du monde spirituel. L'annonce des phénomènes mystérieux qui se produisaient en Amérique suscita en France une curiosité des plus vives, et bientôt la vogue des tables tournantes atteignit un degré extraordinaire. Dans les salons, la mode était d'interroger les guéridons pour les questions les plus futiles. C'était un passe-temps d'un goût nouveau et qui fit fureur. En 1853, l'Europe entière avait son attention tournée vers le phénomène des dix tables tournantes et dansantes, considérées comme le plus grand événement du siècle, par le révérend père Ventura di Rolica, alors le plus illustre représentant de la théologie et de la philosophie catholique. La presse informait et émettait de larges commentaires autour des étranges manifestations et, si ce n'est le grand physicien anglais Faraday, le savant chimiste Chevreul, le comte Gasparin, le marquis de Mirville, l'abbé Moigneux, Arago, Babinet et quelques autres éminents hommes de science, bien peu s'importaient d'en découvrir les causes, de les expliquer. La majorité des académiciens regardant les phénomènes avec supériorité et dédain. Revenant au jour de la France tumultueuse en 1853, nous pouvons voir que de plus en plus de groupes d'expérimentateurs curieux s'étaient organisés en un clin d'œil. La folie merveilleuse du XIXe siècle s'était déjà infiltrée dans le cerveau de l'humanité. Et Paris entier assistait, atone et étonné, à ce tourbillon féerique de phénomènes imprévus qui ne pouvaient créer, par la majorité, que des imaginations hallucinées, mais dont la réalité en imposait aux plus sceptiques et frivoles. La presse française, devant la démonstration indiscutable des faits nouveaux, la manifestation des esprits, qui sautait aux yeux de tous, a ouvert plus largement ses colonnes aux informations correspondantes, attisant ainsi le feu des débats et controverses qui s'élevaient alors parmi les observateurs moins superficiels. Mais les tables continuèrent. 20 le Saint-Office et le 4 août 1856 en condamnant les phénomènes en vogue, disant qu'ils étaient la conséquence de l'hypnotisme et du magnétisme. Dans tous les cas, peu de gens croyaient aux péripéties du diable et traitaient d'hérétiques les personnes par l'intermédiaire desquelles ils avaient produit. Ainsi, le rôle des phénomènes de cette phase initiale était accompli. Invasion organisée, selon les mots de l'écrivain Arthur Conan Doyle, programmée par les esprits supérieurs en vue de l'avenue d'une nouvelle ère de progrès pour les hommes.